Hey, bonsoir, bienvenue à Terrain Incognita, votre rendez-vous hebdomadaire de rock progressif. Vous le savez, deux bonnes heures de rock progressif au menu ce soir, comme d'habitude. On va avoir un invité ce soir. Je pense que vous connaissez peut-être un peu parce qu'on a, on est peut-être un petit peu plus vite que prévu. On en a mis déjà. Isos, c'est Vincent Leboeuf Gadreau qui va être avec nous ce soir. Donc, on écoute une première pièce du disque Isos, et puis on vous revient avec Vincent, et puis bien évidemment, il va y avoir beaucoup d'autres choses, le The Watch, une petite découverte que j'ai faite dernièrement, le Birth of Joy, et vous le savez, ça va être bon, vous le savez, restez avec nous autres. On écoute donc Isos, une première pièce, et on vous revient après ça avec Vincent. Something in the just damn sick of waiting. I'm like a ghost in your life. No photographs, no trace of me. No one knows about you. It's been almost a year now. I'm going down below, but I'm still clinging to this flicker of hope. This riddle consumes me. I ponder day and night, trying to give a meaning to this useless fight. I'll be waiting for something to come. I'll be waiting for something more than this masquerade. I wanna see life through your eyes. I'll be loving you. Continue l'histoire, nous. Bonsoir Vincent. Salut Michel. Bienvenue à Terra Incognita. Merci bien. Ça fait plaisir de te recevoir. Écoute, surtout que je dois dire que Isos, c'est une des belles surprises qui nous arrive de Québec là, depuis bien longtemps. Okay. Ben oui, écoute, moi j'ai écouté le disque puis je te dis que je t'ai pas à rougir de quoi que ce soit. Là. Ça peut aller partout sur la planète, ce disque-là, sans aucun problème. Merci. Puis on faisait un clin d'œil tantôt. Ben, c'est ça, on parlait du clin d'œil tantôt parce que ouais. Bon, sûrement que les gens ont remarqué au début de la pièce que ça un petit écho de Pink Floyd. Un petit clin d'œil à Shine. Mais c'est volontaire. Ben oui. Ben en fait, au début, j'avais pas mis d'intro à ce tune-là. Puis... je te disais, j'écoutais le DVD de David Gilmour avec mon père, puis on mettait une petite intro, un petit clin d'œil à Pink Floyd. Mais est-ce que c'est un groupe qui t'inspire ou c'est simplement parce que t'es... Ça fait partie du décor musical chez c'est vous? C'est un groupe qui, je pense, m'a toujours inspiré inconsciemment, à part peut-être dans cette section-là. Parce que c'était très conscient. Ouais. Et puis, pour les gens, je peux vous dire, le disque baigne... Si on veut être un peu là, comme généraliste, là, ça représente pas mal le mood du disque, ouais. Cette pièce-là. C'est sûr qu'il y a quelques moments un peu, comme on dit, là, crunchy. Là. Ouais. Mais ça, bon... Et puis, ben, pour les gens qui le savent pas, ben, Vincent, il est aussi dans Inner Odyssey, qui est, ce groupe-là est peut-être un peu plus tendance prog metal, mettons. Mm-hmm. On peut employer ça, ce terme-là. Disons que ça commence à s'ajuster un peu, mais je pense que notre premier album, Have a Seat, il y avait un côté plus metal progressif. Ouais. C'est ça. Et puis, qu'est-ce qui t'a amené à glisser? Ben, c'est sûr que moi, personnellement, je trouve ça intéressant quand un membre d'un groupe qui dit, bon, je fais un disque solo, j'aime bien que ça ressemble pas à ce qu'il fait avec le groupe. Puis c'est exactement ce que tu as fait, là. Ça sort vraiment, tu sais, c'est pas du tout dans le même sentier, là. Ah, c'est sûr. C'est moi qui compose pas mal l'instrumental dans Inner Odyssey. Là, c'est Pierre-Luc, notre chanteur, qui compose les textes. Puis bon, il y a des musiciens, là, qui changent leur partie et tout ça. Mais bon, c'est souvent moi qui fais les premiers jets. Puis j'ai beaucoup de compos, là. J'ai de la misère à m'arrêter de composer. Arrête pas. Mais j'avais le goût de, c'est ça, j'avais le goût de faire vivre un peu des compos un peu plus personnels, là, qui racontaient une période que je voulais mettre par écrit, puis que je voulais partager, puis mettre de côté. Ouais, fermer un livre à quelque part, là, puis je pense que ça fait du bien. Mais moi, ce qui m'impressionne, c'est que tu joues quasiment de tout sur ça. Oui, dans le fond, c'est moi qui chante, je joue la guitare, acoustique électrique, la basse, les claviers, puis bon, tous les samplings. C'est Étienne, le drummer de Inner Odyssey, qui a enregistré le drum. Puis c'est Mathieu Chamberlain, le claviériste de Inner Odyssey, qui a enregistré le piano sur deux pièces sur l'album. Donc, ça s'est pas fait en deux mois, ça. Non, ça a été un long. Petit bout, surtout que c'est pas juste l'enregistrer, l'album, hein. Il y a beaucoup, beaucoup de travail autour de ça. Oui, c'est parce que bon, c'est quand tu parles, c'est pas juste de composer. Là. C'est, après ça, c'est faut que tu songes comment, la façon de présenter ta pièce aussi. Puis évidemment, on peut pas faire autrement que de noter que t'as un petit côté comme un peu Steven Wilson dans le vocal. Ah ouais? Ouais. On le prend comme un compliment. Oui, c'est un compliment, mais je veux dire, on se trompe pas, là. Je pense que c'est un bonhomme que tu dois aimer. Là. Ah, c'est dans mes top inspirations. Bon, quelqu'un que j'admire beaucoup sur plusieurs aspects. Et avec raison. Ouais, je pense que oui. Je pense que c'est pas mal. Une des figures dominantes du prog des deux dernières décennies. Là. Puis il est pas sur le point là, de perdre. Ouais, non, c'est sûr que non. Il y a encore la touche, comme on dit. Ouais. Eh bien, écoutez, on va en parler. Bon, on va en écouter une seconde pièce. Et puis on revient après ça. Action. anxiety, trying to hide my scars, but you still feed on my insecurity. Now you've gone too far. Gone way too far. De retour avec Vincent, je vous rappelle que c'est le disque Isos qu'on écoute, c'est Loving on Standby. Ouais. En fait, Isos, c'est... Isos, ouais, ben là, moi je dis Isos, mais parce que je parle à la française. Ben mais... oui. Ben c'est ça, Isos, c'est le nom du projet, puis Loving on Standby, c'est le nom de l'album. Tu m'avais dit la signification, tu veux pas le dire, ou... Ben pourquoi pas? C'est ISOS, In Search of Something. Ça me représente bien en tant que... À la recherche de quelque chose. Ben oui, à travers une démarche artistique quelconque, okay. Que la musique, probablement. Ouais, mais en fait, ça décrit quand même assez bien, là, je pourrais dire, la recherche du musicien, là. Mm-hmm. À moins que, je veux dire, il y en a qui aiment dormir au gaz, là, mais la plupart, tu sais, ils essayent de trouver quelque chose. Puis, ben c'est ça, là, on en parle, mais c'était quoi le déclic au début, pour te dire, je vais faire quelque chose de complètement différent d'Inner Odyssey? J'imagine, écoute, là, j'extrapole un peu, j'imagine que Steven Wilson a joué un rôle dans ça. Ben, ouais, probablement. Mais en fait, c'est étonnant à quel point, mettons que je compare mon écriture avec celle de Pierre-Luc, notre chanteur avec Inner Odyssey. Lui, un style très... Il écrit bien, il écrit bien l'anglais, puis ça m'impressionne beaucoup. Puis je me suis beaucoup inspiré de Marius Duda de Riverside, qui a aussi un projet solo qui s'appelle Lunatic Soul, qui est une de mes principales influences. Puis j'ai vu à quel point ses textes étaient pas simplistes, mais simples, qui vont droit au but, qui sont thématique très émotionnelle. C'est pas un défaut, celle-là. Là. Ben non, je sais. Puis ça m'a un peu... On dirait que c'est... Ça a justifié le fait d'écrire des textes auxquels je croyais, qui n'étaient pas nécessairement hyper élaborés. Puis bon, de la musique, j'en avais des compos, j'en ai à la tonne, j'en ai encore à la tonne. Puis j'ai commencé à m'équiper là, comme un petit studio maison pour faire des maquettes. Puis je pense, peu à peu, je me suis rendu compte que c'était possible de commencer un projet un petit peu plus sérieux que des compos à part de mon band. Ouais, ça c'est toujours. Ça vient naturellement. Ça, mm-hmm. C'est pas. En fait, moi, je pense, là, je te regarde aller, puis je me dis ça, c'est venu comme... Parce que quand je l'ai appris, t'en as pas parlé beaucoup avant. Non, là, ben, en fait, ça. Tu n'as pas parlé pendant tout le temps. Attendre que ça soit rendu un petit peu plus... Ouais, je pense que Bruno, il commence à être inquiet, lui, là. Non, t'es pas inquiet, Bruno? Ouais, lui, il dit, oui, t'es inquiet. Bon, OK, d'accord. C'est qu'on va y aller avec une autre pièce, parce que Bruno, là, je pense qu'il est en train de stresser avec la pub. Et puis, on vous revient après encore... Une minute? Oh, OK, merci Bruno. Non, il est sympathique, Bruno, vous le connaissez pas. Il parle pas beaucoup, mais c'est notre squiddy diddly des tables tournantes. C'est... Et des lecteurs, c'est des... Et on y va. Écoute, on retourne en musique. Une autre pièce de Isos. Et puis, Isos? Ouais, Isos. Isos. Et on vous revient après. What you say Cette soirée vous est présentée par La Barberie. 00764. Le radio tourne ses carrières, arrive à grand pas. Et cette grande rencontre radiophonique sera présentée par La Barberie, la boîte à pain café Napoli et le bas du lézard. You're looking great. Ne manquez pas cet événement, les 4, 5 et 6 avril. The world waited. Curious, wondering, aware. Rencontré deux fois plutôt qu'une, le documentariste Hugo Latulippe. Il sera de passage à Québec pour offrir une classe de maître le 23 mars à 14h au Cercle. Présenté en collaboration avec Première Ovation. Le 24 mars à 19h, dans le cadre du Ciné-Club Spirafilm, voyez Ce qu'il reste de nous, le documentaire coup de poing sur la situation des Tibétains. Hugo Latulippe sera sur place pour discuter avec le public après la projection. À la salle Sylvain Lelièvre du Cégep Limoilou, le 24 mars à 19h. Le Ciné-Club Spirafilm est présenté en collaboration avec le service d'animation socioculturelle du Cégep Limoilou, le MCCF, Télé-Québec, monlimoilou.com, le Bal du Lézard, chez Fratelli et CKRL. Plus de détails, spirafilm.com. Spécial art visuel. Le magazine culturel Bazar s'intéresse au monde des collectionneurs. Dans son tout nouveau numéro, allez-vous aussi à la rencontre du marché de l'art actuel à Québec. Bazar, c'est la vitrine sur les arts et la culture, disponible gratuitement dans plus de 250 commerces et organismes culturels d'ici. Pour info, bazar.qc.ca. 89.1. C'est KRL. Sacré Bruno, encore joueur de tour. Il ne nous dit même pas qu'on est en onde. Bon, de retour avec Vincent. Là, je pense qu'on va... Pardon, mais le Bruno, ça ouvre non à la porte, vient de parler. Là. oui, je le sais, Bruno, mais c'est parce que je voulais que ça parte sur ton dos. Bon, on de retour avec Vincent. On rigole, mais on va revenir à des choses sérieuses. Isos, donc, on va écouter une dernière pièce, dernier extrait dans quelques minutes. Juste le temps de ramasser un peu de choses, parce qu'il y a beaucoup de projets dans... En fait, il y en a même beaucoup, là, énormément. Un, il y a le lancement du disque qui a lieu là, le 25 mars. C'est quand même relativement près, ça, là. Oui, c'est dans moins de 3 semaines. Puis c'est au Cercle. Au Cercle, sur Saint-Joseph, le 228 Saint-Joseph, si je ne m'abuse. C'est un 5 à 7, donc, puis tout le monde est invité. Ben oui, puis c'est gratuit, en plus. Bon. Pourquoi se gêner? Ben, bon. Oui. Donc, le 25 mars, lancement du disque. Le 3, 4 et 5 avril... The Watch. The Watch. Vous allez ouvrir pour The Watch les 3 soirs. Ah oui. Je pense que ça va être c'est une belle opportunité. Ah oui. Spécifié, c'est un projet solo, mais je ne jouerai pas tout seul. Je vais être accompagné des musiciens de Inner Odyssey au drum et à la bass. Ah, moi, je ne suis pas inquiet. Ça va être, ça va être super bon. Et puis, ben, yeah, tu parles d'Inner Odyssey, mais Inner Odyssey, on va avoir le plaisir d'aller voir pour la première fois la convention 2014, yes. Donc le vendredi, tout juste avant Is. Ça va être une belle soirée. Ah, je pense que oui. On est content, en tout cas. Et puis, comme tu disais tantôt, le Inner Odyssey va prendre peut-être une tangente un peu plus. Est-ce que ça va se rapprocher de Isos? Peut-être pas de Isos. Il y a un côté beaucoup plus joyeux. Je dis pas que c'est dépressif, Isos, mais c'est un petit peu plus sombre que... Ben, c'est écoute, grosso modo, c'est une peine d'amour. Ouais, c'est, donc, c'est un peut-être, c'est exact. C'est peut-être pas autant là, réjouissant. Mais ça va être un peu musicalement... Vous allez... Et passer du prog metal. Ben c'est ça, on laisse de côté le côté metal. Là. C'est sûr qu'il y a encore un petit peu de distorsion, mais c'est plus rock. C'est plus crasse comme le côté heavy est plus crasse un peu. Il y a des guitares acoustiques en fait, on a enregistré un deuxième album en ce moment, soit dit en passant. Puis ben c'est ça, là, c'est plus organique. Là. Il y a de la guitare acoustique dans presque toutes les pièces. Puis... Donc, ça veut dire que le vendredi 16 mai, on va avoir des nouvelles pièces à écouter. Ah, c'est sûr. C'est ça. Parce que c'est ça, vous voulez tester en même temps. Ben oui. Ben oui. Ben, pourquoi pas? On en a joué quelques-unes, puis on a eu une bonne réponse live. Là. C'était bien le fun. Parfait. Bon, ben, écoutez, on résume tout ça avant qu'on se laisse en musique avec la dernière pièce d'Isos. Donc, lancement le 25 mars au Cercle. Et après ça, 3, 4, 5 au Centre d'art La Chapelle avec The Watch. Et puis, avec Inner Odyssey, ben, c'est le 16 mai en première partie de Is. 16? Oui, c'est le 16 mai. Ah. J'espère que tu as j'espère que tu as pris ça en note. Je suis posé, là. c'est bel et bien le 16. Okay. L'autre qui pitonne son agenda. J'avais noté le 16. OK, parfait. Parce que ça aurait été comme un problème si tu pensais venir le 15. Là, non, c'est le 16. Parce que les gars le savaient. le même soir, il va avoir, on va avoir un invité, Kadi Kaplan, qui est un Israélien, guitariste doué, qui réside à New York depuis quelques années. Donc, et puis, ben, ça va être une performance acoustique. Et c'est lui qui va ouvrir pour finalement la soirée avant vous. Ça, j'ai hâte de voir. Parce que toi, tu penses que c'est le même gars qui a déjà fait The Wall acoustique? Je pense que oui. Oui, bon, OK. Que je pousse un peu mes recherches. J'ai pas demandé, là, mais je sais qu'il fait Welcome to the Machine. Puis il joue très bien. Ouais. Donc, c'est peut-être parlement, puis tu me dis que c'est un gars qui va à New York. Puis bon, ça fait qu'on va conclure que c'est sûrement lui. On va avoir une confirmation à la prochaine. Incessamment. Et puis, ben, le 17. Ben là, je vous donne l'horaire, dans le fond, parce que je sais pas, il y en a peut-être qui ont lu le journal Le Soleil aujourd'hui. Et ils ont vu. On parle un peu du Prog à Québec, on parle de la convention, mais malheureusement, il n'y avait aucune date. Donc, on va préciser, parce que c'est comme bête un peu de parler de la convention au terrain incognita, puis pas mentionner une seule date. Donc, le 16 mai, c'est Kadi Kaplan, Inner Odyssey et Is de New York. Le 17 mai, c'est Neodyme de Montréal. Il va y avoir après ça, il y a un petit changement. C'est plus Shadow Circus. Malheureusement, les gars ont décliné parce qu'ils ont eu des petits problèmes de logistique et de personnel. Et ben, c'est Third Degree qui prend la relève. Et puis, ben, évidemment, Glasshammer, que j'ai très hâte de voir. Et le dimanche, ben, c'est Sonia Sambra, groupe de Chicago, mais avec des. Il y a au moins un membre encore qui est mexicain dans le lot. Unreal City, qui est pour moi un fameux bon coup de filet. Et puis, ben, on termine avec le maître du prog italien des contemporains, Fabio Zuventi. Ça, j'ai vraiment très hâte aussi. Donc, ça va être, c'est ça, au Centre d'art, 16, 17 et 18 mai. On poursuit en musique, nous, avec Isos, dernier extrait. Et c'est toujours Terra Incognita, jusqu'à minuit, avec Michel et Bruno. I know, and that's just a far. You've already taken enough of me. So why can't you leave my mind? I'm trying to escape from this endless maze. So now won't you leave my mind? There's nothing left. Take it, it's fine. motif. Yes, we do. You don't care. Either way, we win. Carry it on through the wrong. We're so sure now. Liquidation, speculation, radiation. Cosmic rays at bay, frantic rush. Bonsoir. This is Simone Rossetti from The Watch. You're listening to Terra Incognita, the progressive radio show of Quebec City. The song is called The Cheating Mountain from our brand new album. Enjoy. Stuff I late. Welcome my old friend. Let us gaze again. But we at night shutting out the pain. It will be alright. First drop of rain. Watch it come. Return all we are to the sky. Speed the sun. The world tries that time. Break our backs for dark cracks. Molten rocks. Absolutely positively. Feel surrounded. Options riding. Far too hard. No, at all. Loving God of time. Where we are the fall. Shouting in yawns. Walk slows down to crawl. See us ashore. Bracing for the fall. Fingers let go. Hesitation will seal your fate. Alpha skies, fatigue, light passes by. Alpha's constant relevance, death and sun. Oh,

Un accord mais son incomparable pour le plaisir de vos papilles et de vos oreilles. Le Chicho Café vous présente l'opineur du chef, animé par Denis Barry, une fusion de psychédéliques, de pré- et post-Woodstock. Bien implanté dans l'espace culturel de Québec, le Chicho Café vous propose une fine cuisine italienne assaisonnée d'une musique aux notes décontractées. L'opineur du chef, les jeudis à 20h, seulement au 89.1. Wow! La croche-oreille est enfin de retour! Tous les dimanches à 21h, Jean-Pierre Gay et Gaétan Gosselin explorent l'univers fascinant de l'art audio. Aiguisez vos oreilles, ça va chauffer dans l'ouïe, ça va blirer dans l'aisse. L'Avatar est à bord sur les routes de l'art sonore et nulle part ailleurs que sur les ondes sans frontières de CKRL. Et de retour, on va jeter un petit coup d'œil en arrière, je pense que ça va être le bien. Donc, on vient de conclure avec Third Degree, de leur plus récent, The Long Division. Je vous en ai parlé plus tôt, c'est cette formation américaine de la Nouvelle-Angleterre qui va prendre la relève de Shadow Circus le samedi dans le cadre de la convention. Ils ont accepté avec plaisir de prendre la relève, et même, dans le fond, ça faisait comme quelques années qu'ils me demandaient de venir, c'est que c'était une belle occasion pour eux. Donc, de leur plus récent, je disais, The Long Division. Et puis, on avait avant deux pièces du plus récent disque de The Watch, le Tracks from the Alps. On écoutait deux pièces de Atlas et Cheating Mountain. Évidemment, vous le savez maintenant, The Watch sera au Centre d'art de la Chapelle 3, 4 et 5 avec Isa en première partie. Et puis, ben, on avait commencé avec une pièce du premier disque de Isa qui est Loving on Standby. Et on avait Vincent avec nous pour une bonne partie de l'émission. Je le remercie d'ailleurs. Et puis Vincent dit que il y a un site en construction, mais pour le moment, c'est sur Facebook que ça se passe. Donc, on poursuit en musique avec un groupe que j'avais découvert avec le premier essai et que j'avais aimé, mais comme, je dirais à moitié, mais celui-ci, attention, donc Dream the Electric Sleep, formation américaine, et c'est leur second disque pour titre Heretics, et puis je pense que j'en passe deux pièces ce soir parce que j'aime beaucoup, donc on y va, c'est Terra Incognita, on est avec vous jusqu'à minuit, Michel et Bruno, et puis c'est à CKRL 89.1. people flickering and no colorless. They cheer me with their show. There's no day or night, there's no sound of life, yet I'm not alone. For the darkness walks with me, leave me safe to be. In a place where there's no need to see, where the shadows are so real, and the coldness that I feel remind me I'm alive. Good intent, oh, rescue plan, oh, leave the priest, oh, yes you can, bless your man, drag me out, show me the way, oh, awaken me to light of day. Say this is all for you, my friend. Your loneliness has come to an end. We were sent stabbing flash, it's shocking me. Intruding light, laughs mocking me, mocking me. combined with all the light of the sun. I don't need he chooses darkness, for he is blind. He wants no light, he'll never see. The darkness is his legacy. Thank you. Because it's not art. It is not art. It's pornography. Cette soirée vous est présentée par La Barberie. Les artisans de La Barberie se font un plaisir de concocter des recettes originales de bières pression à fermentation haute. Les bières sur lit sont disponibles en format de 500 ml et de 750 ml dans différents commerces de vente au détail, ainsi que dans des restaurants et des cafés. La Barberie, 310 rue Saint-Roch, 418-522-4373, labarberie.com. 00764. Le retour de CKRL arrive à grands pas. Et cette grande rencontre radiophonique sera présentée par La Barberie, la boîte à pain Café Napoli et le bas du lézard. You're looking great. Ne manquez pas cet événement les 4, 5 et 6 avril. The world waited. Curious, wondering, aware. Au cœur du Vieux-Port, à quelques minutes du centre-ville, vous trouverez la boutique Écoauthentique. Il y a chez Écoauthentique un vaste choix de produits faits de matières recyclées, renouvelables, biologiques et équitables. Bref, des produits qui respectent la nature et les gens. Nous vous offrons également la plus grande sélection de produits industriels à Québec. Venez nous rencontrer tous les jours de 11h à 17h. Écoauthentique, 160 rue Saint-Paul, écoauthentique.com. Vous possédez une carte de membre de CKRL? Économisez 10 % à chaque fois que vous faites un achat au Théâtre de la Bordée, au 315 rue Saint-Joseph-Est. La carte de membre de CKRL, c'est pratico-économique. 89.1. Québec. Et oui, oui, Eric Burdon. Moi, ça me rappelle ma jeunesse. Et oui, non, j'ai pas 20 ans. Donc, on revient donc à Terra Incognita. On jette un petit coup d'œil en arrière. Il y avait, ça nous vient de Suède et curieusement, c'est assez planant et c'est tous des musiciens, un trio qui œuvre dans le monde du métal en Suède. Pale Feeder, et c'est leur premier essai, Pale Feeder. Des États-Unis, Dream the Electric Sleep, donc Heretics, c'est la pièce 7. On a eu avant aussi Glass Hammer, Ode to Echo, ça c'est leur plus récent, mais je pense qu'il est, au moment où on se parle, il est disponible. Et sauf erreur, je faudrait que je vérifie, mais si c'est pas le cas, c'est pas loin. Donc, Glass Hammer qui, évidemment, nous visite le 17 mai au Centre d'art La Chapelle dans le cadre de la convention Terra Incognita. Et on avait amorcé le tout avec Dream, The Electric Sleep, encore une pièce des Heretics. Et puis, c'est ça, hein? Je pense que c'est une formation américaine que je pense qu'on va entendre parler beaucoup. Il y a du talent au cube et au pied carré. Dream, The Electric Sleep. On va aller faire un petit tour du côté de la Suède. On y était il y a quelques instants avec Pale Feeder et on retourne avec Curse Pink, leur plus récent et à mon avis leur meilleur à ce jour, Mystic Spirit. Le tout, évidemment, c'est CKRL-MF. Bruno, à chaque fois je le fais sourciller. C'est CKRL-FM 89,1. Terra Incognita, Michel et Bruno jusqu'à minuit. spotlights are fading as the final curtain falls. I appeal to the sunrise, applaud my new day. Leave the dark behind, that I may rise to soar away to the music in my mind. Down to sleep, I am pure. and then you have to join the ride. Flashing on the screen, feed energy to the machine. As we rise, kicking back side and right, the two hearts in their faces to harmonize. Then suddenly the rain will wash away. Yeah.

qu'on aura le bonheur de voir le dimanche 18 mai dans le cadre de la convention Terra Incognita. Tout juste avant, on avait des Suédois, Simon Says, de leur disque Tardigrade. Ça, je sais pas ce qui se passe avec ces gars-là, mais j'aimerais ça qu'ils récidivent parce que ils ont du talent. Ça, j'aimerais beaucoup revoir un disque de Simon Says. Et on avait amorcé avec Curse Pink, un beau retour après, mon Dieu, une décennie d'absence, Mystic Spirit. C'est que je vous souhaite une excellente nuit sur nos ondes. C'est l'autoroute qui suit dans quelques instants avec Jacques. Et c'est sûr qu'il va y avoir plein de bonne musique, évidemment. Je vous invite à nous revenir la semaine prochaine, même heure, même poste, Terra Incognita. C'était Michel et Bruno ce soir. Bonne nuit. Faites un don pré-radioton de 20$ et plus ou achetez dès maintenant votre carte de membre de CKRL au coût de 25$ avant le vendredi 4 avril 17h et vous pourriez gagner le prix pré-radioton ou le prix membership d'une valeur de 150$. Adhérez ou faites un don en téléphonant au 418-640-2575 ou en ligne sur ckrl.qc.ca ou bien venez au 405 3e avenue à Limoilou. Encouragez votre radio préférée. Rencontrez deux fois plutôt qu'une le documentariste Hugo Latulippe. Il sera de passage à Québec pour offrir une classe de maître le 23 mars.